飛びてすっと飲むえ présence une la vie moi c'est ça besoin moi pas qu'à imaginer la vie sans vous moi pas j'aime si span baissé bien bas devant vous Mirai yo pral tombe, wash yo pral roule, kod yo pral kase, lem rele. Lorenzye pral seche, satan pral fache, vie plan pral echwe, lem koube. Hallelujah. Si m'existe pour vous.